Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول à l'hôtel arrivé à l'hôtel arrivé عندكم غرفة خالية؟ Avez-vous une chambre libre? Avez-vous une chambre libre? لقد حجزت عندكم غرفة. J'ai réservé une chambre. J'ai réservé une chambre. اسمي Miller. Mon nom est Müller. Mon nom est Müller. أحتاج لغرفة سرير واحد. J'ai besoin d'une chambre simple. J'ai besoin d'une chambre simple. أحتاج لغرفة سريرين. J'ai besoin d'une chambre double. J'ai besoin d'une chambre double. كم سعر الغرفة لليلة؟ Combien coûte la chambre pour la nuit? Combien coûte la chambre pour la nuit? أريد غرفة مع حمام بانيو. Je voudrais une chambre avec bain. Je voudrais une chambre avec bain. أريد غرفة مع حمام دوش. Je voudrais une chambre avec douche. Je voudrais une chambre avec douche. أيمكن أن أرى الغرفة؟ Puis-je voir la chambre? Puis-je voir la chambre? أيوجد هنا موقف سيارات؟ Y a-t-il un garage ici? Y a-t-il un garage ici? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ Y a-t-il un coffre-fort ici? Y a-t-il un coffre-fort ici? أيوجد هنا جهاز fax? Y a-t-il un fax ici? Y a-t-il un fax ici? جيد, أنا أخذ الغرفة. Bon, je prends la chambre. Bon, je prends la chambre. هنا المفاتيح. Voici les clés. Voici les clés. هنا أمتعتي. Voici mes bagages. Voici mes bagages. متى يكون الإفطار؟ À quelle heure est servi le petit déjeuner? À quelle heure est servi le petit déjeuner? متى يكون الغداء؟ À quelle heure est servi le déjeuner? À quelle heure est servi le déjeuner? متى يكون العشاء؟ À quelle heure est servi le dîner? À quelle heure est servi le dîner?